La mort. J'ai vu la mort. La mort en marche. La mort putréfiée, mue par un virus dont on ignore encore la source. J'ai vu le chaos. J'ai vu à la télévision à New York bombardé au napalm. Inutile tentative de l'armée pour stopper l'avancée du virus. J'ai vu les hauts gratte-ciel, fierté de Manhattan, tomber au ralenti dans des nuages de fumée noire. J'ai vu des hordes dégénérées s'attaquer aux foules hystériques, des soldats s'alliant aux civils pour protéger leur nation. L'Asie et l'Afrique ne sont plus que d'immenses territoires peuplés de morts vivants. L'Europe est en très mauvaise posture, tiraillée par des guerres nucléaires incessantes et prise au piège par des hordes sans fin de dégénérés venant de tous côtés. L'Amérique a su résister à la propagation du virus. Elle semblait préparée à cette apocalypse. Mais le virus paraît indestructible et tout combat est devenu vain. La plus grande puissance militaire du monde est tombée en quelques jours, s'auto-détruisant dans le mince espoir d'échapper au virus. Le monde est devenu fou. La Maison Blanche a diffusé un ultime message d'adieu, rassurant avec hypocrisie les populations restantes. Mais elle a ensuite coupé toutes les communications. Depuis, nous sommes sans nouvelles du monde extérieur. Ce matin, maman a été mordue en allant chercher des rations distribuées par les Marines. L'armée, qui a investi notre petite ville de Clifton, au nord-ouest de New York, n'a pu soutenir l'assaut de dégénérés, de plus en plus nombreux. Elle a réussi à fuir, s'arrachant littéralement de la gueule d'un mort-vivant. Maman a pu se traîner jusqu'à notre petit pavillon, dans un quartier résidentiel. Son bras était déchiqueté et ses vêtements trempés de sang. Le virus l'avait déjà atteint. Il était trop tard pour l'amputer. Et même s'il aurait été possible de le faire, je n'en aurais pas eu le courage, car j'aurais dû me débrouiller seul. Notre médecin a été contaminé par un patient enragé il y a quelques jours. Les autres sont bien trop débordés pour prendre le temps de venir me porter secours. Après avoir désinfecté son bras en lambeaux, je l'ai mise au lit, car elle a été prise d'une fièvre violente. Je pense qu'elle n'en a plus que pour une petite heure. Et j'évite de penser à ce qu'elle deviendra après. Quand elle sera morte, je serai seule. Mon père, lui, a eu le courage et la présence d'esprit de tuer mes sœurs quand elles ont été contaminées à la sortie de l'école. Lui-même n'est jamais revenu quand il est parti il y a une semaine vers New York, en quête de vivre. Il m'a contacté tout à l'heure par talkie-walkie, puis plus rien. Le sort de personne, insignifiant dans mon ancienne vie, a pris une ampleur beaucoup plus importante à mes yeux. Je me suis rendu compte combien il est déprimant d'apprendre la disparition de quelqu'un, même d'une simple connaissance. J'ai pris conscience de la faiblesse de la vie et du genre humain. Une horde de dégénérés envahit en ce moment les rues de mon quartier. Les autorités ont d'ailleurs demandé aux populations d'Amérique de tuer des personnes contaminées si l'occasion vient à se présenter, et à condition, bien sûr, qu'ils ne se mettent pas en danger. Et le seul moyen de tuer un dégénéré est de lui faire subir un traumatisme crânien pour attendre le cerveau. La tête est l'organe vital de ces créatures, et beaucoup ont remarqué à leurs dépens qu'il est inutile de s'acharner sur un dégénéré, puisqu'il ne ressent aucune douleur et qu'il est mu par le seul instinct de nous dévorer. Il faut donc viser la tête, avec une arme, ce qui nous tombe sous la main. Mais malgré cette découverte, même une armée de tireurs d'élite ne peut résister à une horde enragée de milieu des dégénérés. Il est impossible de garder son sang-froid et de bien viser quand on est assailli de tous côtés. et on aura plutôt la mauvaise tendance de tirer dans le tas. C'est pour cela que même la plus grande force militaire du monde, ou ce qu'il en reste, peine à seulement empêcher la propagation du virus. J'appréhende l'instant où maman perdra connaissance pour devenir un mort vivant. Je ne pense pas que j'aurai le courage de la tuer. C'est quand même ma maman, le seul être à qui je me confiais, qui me consolait et me rassurait quand j'étais triste. Mais je serre dans ma main le couteau destiné à détruire celle que j'ai aimée le plus au monde. Je la regarde mourir lentement. Sa fièvre a monté de façon affolante, mais je reste impuissant, assis sur une chaise auprès de son lit. Je passe inutilement un linge imbibé d'eau fraîche sur son front brûlant, et je vois avec horreur sa peau desséchée s'effriter au contact du tissu. Son visage blafard n'a plus rien d'humain. Des cernes profonds et noirs creusent ses pommettes autrefois délicates. Sa peau translucide étendue sur un visage émacié où je creuse. Ses pupilles sont si dilatées qu'elles ne sont plus que de trous noirs. Son visage si doux est maintenant marqué par un rictus de souffrance. Elle n'est plus la même. En seulement quelques heures, elle s'est métamorphosée en un être d'une laideur sans nom. Je sais que son avenir est tout tracé. Elle se relèvera, les yeux vides, et commencera sa marche éternelle en quête de chair fraîche, s'attaquant même à son propre fils. Maman, une larme perle sur ma joue quand elle tente de me rassurer, mais aucun mot ne sort de sa bouche desséchée, juste un râle rauque et hideux. Ses yeux fous, presque aveugles, me cherchent désespérément, roulant dans leur orbite à toute vitesse. Maman, excuse-moi, mais je ne peux rien faire pour toi. Je prends sa main brûlante et squelettique et je la pose sur ma joue humide. Elle sourit faiblement, les paupières à demi closes. Sa respiration déjà faible se fait inaudible. Elle gémit doucement et émet un dernier râle. Sa main se raidit, ses yeux entrouverts se font vitreux et sa température tombe d'un coup. Elle est morte. Je serre mon couteau à mon rompre les jointures des doigts. Déjà, la peau de ma mère se craquelle doucement, ses pupilles deviennent blanches et une odeur répugnante monte de son cadavre encore frais. Son corps se putréfie en accéléré. Je lève mon arme, mais un torrent de larmes envahit mes joues. Je ne peux pas tuer ma mère. Et si je la laisse devenir un des leurs, jamais je ne me le pardonnerai. Elle remue imperceptiblement. La mutation est presque terminée. Mue par la peur et la lâcheté, je m'enfuis, laissant la lettre ignoble qui remplace désormais ma mère, lâchant le couteau qui tombe à terre. Je dévale en courant les escaliers, oubliant de fermer la porte de la chambre. Je traverse des pièces obscures qui ont fait mon ordinaire jusqu'à maintenant. La maison tout entière est sans dessus-dessous. Je me rue vers l'entrée, trébuchant sur des objets épars, et atteins rapidement la porte. Oh, vite, vite! Je commence à paniquer, je ne trouve pas le trousseau de clé. Il devrait être sur la serrure, comme d'habitude. Je cherche à tâtons, me cognant contre des objets surgissant devant moi au dernier moment. Dans un mouvement brusque, j'envoie valdinguer un vase qui se brise. Et merde! Je commence à paniquer, cherchant toujours à l'aveuglette. Des pas traînants se font attendre à l'étage. Le bruit de casse a attiré ma mère. Je sors mon téléphone portable et la faible lumière de l'écran éclaire la pièce. Je retrouve enfin le trousseau clé en fouillant désespérément sous une pile de journaux. Maintenant, je dois trouver la bonne clé. Peine perdue, je tremble de tout mon corps sans pouvoir me contrôler. Les pas au-dessus de moi se dirigent lentement vers l'escalier. Calme-toi, calme-toi! Je respire un grand coup et prenant le temps de coordonner mes gestes, je finis par trouver la bonne clé. Je l'introduis dans la serrure après plusieurs essais désespérés et j'ouvre la porte en grand. Je reste figé devant le spectacle qui se déroule devant mes yeux. grosse nuée qui tombe sur le quartier. Des dégénérés affamés s'attaquent à une foule hystérique. Des marines courageux tentent de retenir la horde qui afflue par les rues adjacentes. Les autres se sauvent, terrifiés. Des civils devenus fous par la peur se battent pour obtenir une arme, se découchant de furieux coups de poing. Un homme se jette sur le conducteur d'une voiture pour voler son véhicule et fuir le carnage, fonçant dans le décor après une course de quelques mètres. Des incendies se déclarent, se propageant de maison en maison. Des forces de l'ordre écrasées par le nombre sac de voitures dégénérées. Une femme en larmes hurle au milieu de la route, pétrifiée par la peur, pendant que des morts vivants s'approchent d'elle en grognant. Elle se fait dévorer sous mes yeux, poussant d'horribles cris de douleur. Le ciel assombri par la fumée au loin et rougissant. Le soleil tombant semble se fondre à New York qui brûle dans le lointain. Réalisant enfin l'horreur qui se joue sur le pas de ma porte, je m'empresse de retourner dans ma maison, claquant la porte derrière moi. Je respire bruyamment adossé au montant de la porte d'entrée. J'ai littéralement oublié que les dégénérés sont dans la rue. Des bruits de pas depuis la cuisine me rappellent que je ne suis pas seule dans cette maison. Ma mère, ou ce qu'il en reste. Je l'avais oubliée. Elle a entendu le claquement de porte et se dirige vers le couloir. Je dois vite trouver une solution. Soit je cours m'enfermer dans ma chambre, ce qui me condamnerait ici avec une mère mutée en dégénérée, soit le seul lieu où je pourrais être en sécurité qui me vient à l'esprit à l'église protestante. J'y allais avec ma famille avant que le virus n'apparaisse, quand tout allait bien. J'en ai toujours gardé le souvenir d'un lieu calme et paisible, comme une forteresse imprenable. Mais ma mère arrive déjà. Il faut que je sorte en courant le plus vite possible vers l'église. Elle n'est qu'à quelques centaines de mètres de là, mais la horde rend le court trajet beaucoup plus dangereux. De toute façon, je n'ai pas le choix. C'est ça ou mourir ici. J'avale une grande goulée d'air. J'ouvre la porte à la volée au moment où ma mère arrive dans le couloir. Et je cours. Je cours, contre à perdre haleine, puissant de l'énergie dans mes dernières forces. Le souffle lourd, le froid en sueur et la vue trouble. Je traverse la foule dispersée. Les pieds glissent sur le trottoir humide. Je manque plusieurs fois de m'étaler de tout mon long. Je passe parmi les dégénérés, certains tournent la tête vers moi, les autres sont trop occupés à dévorer leurs victimes encore heureusement. Aucun dégénéré ne semble en mesure de m'attraper et sont bien trop lent. Malgré leur nombre effroyable, je suis encore sain et sauf. La peur me donne des ailes, je n'ai jamais couru aussi vite. Mes poumons me font affreusement souffrir, du sang me monte à la bouche, mais je tiens bon. L'église est maintenant très proche. Ah, un dégénéré me prend en chasse. J'évalue la distance et tente un sprint acharné. Malgré sa lenteur, il gagne du terrain. Je ralentis involontairement ma course, je n'en peux plus. Mon cœur bat si vite dans ma poitrine que je crains qu'il m'éclate. Je me lance dans l'allée de gravier, espérant que la porte sera ouverte par je ne sais quel miracle. J'y suis, je pousse un cri de joie quand les lourds battants d'église tombent sur leurs roues. Les massives battantes souffrent lentement, et le dégénéré approche dangereusement. D'ici, je sens déjà son odeur fétide de pourriture. Dans un ultime effort, je pousse et me glisse dans l'église par la mince ouverture entre les deux battants. Mon ignoble poursuivant a juste le temps de glisser un bras entre les deux battants, pendant que je le referme. Son bras putréfié se détache de son corps quand je ferme enfin la porte et tombe sur le sol dans un bruit mal. Je m'effondre contre la porte, épuisé par ma course, les jambes frêles et tremblantes ne pouvant plus me supporter. Je tente de reprendre mon souffle. Ma gorge me brûle, je crache un peu de sang dans ma manche. Dehors, le dégénéré hurle, frappe vainement contre le bois de la porte, mais il ne mourra pas. Je me relève après avoir repris mon souffle et m'être remis de mes émotions. J'appelle, sachant au fond de moi que je ne recevrai aucune réponse. Me révérend ? Il y a quelqu'un ? Seuls les cris furieux du dégénéré me répondent. Dans la panique générale, personne n'a pensé à venir ici pour se réfugier. Je m'avance dans l'allée centrale, entre les bancs de bois bordés par de hautes colonnes de pierre. Mes pas résonnent sur les dalles en marbre. Je me sens si petit dans ce lieu imposant et immense. Tout est si beau, si riche, si ouvragé. La lumière des derniers rayons du soleil, filtrée par les magnifiques vitraux de toutes les couleurs, baigne l'église dans une atmosphère si douce et si colorée. Un sentiment de bien-être m'envahit. Et je me surprends à m'asseoir sur un banc, regardant avec émerveillement autour de moi. Je n'ai plus peur. Ce lieu, beau et imposant, m'inspire une grande sécurité, comme dans une forteresse. La mort, la haine et le chaos semble n'être qu'un mauvais souvenir, comme annihilé par la puissance de ce lieu. Je ne perçois aucun son du massacre qui continue à quelques pas d'ici, comme en étant à des kilomètres de là. Je me relève après quelques instants, quand les ombres dans l'église commencent à s'allonger. Au fond de la bâtisse, une porte est entrebâillée. Je m'en approche et appelle encore. « Mon révérend !» Ne recevant aucune réponse, je passe la tête dans l'embrasure de la porte. Personne. Je devais m'y attendre. C'est une pièce sombre, où le révérend rangeait le matériel utile aux cérémonies. Elle est meublée de simples étagères croulantes sous des objets destinés aux offices religieux. Le révérend a dû fuir dans la panique générale. Lui qui passait des journées entières à prier pour le salut de l'humanité. Je vais devoir me débrouiller seul. La nuit est tombée et l'église est plongée dans le noir. Je frissonne en pensant à l'horreur qui se passe dehors et l'obscurité ne me rassure pas non plus. Le bien-être de tout à l'heure a disparu avec les dernières lueurs du jour. Les hauts vitraux filtrent un rayon de lune, révélant des ombres immenses qui excitent mon imagination. Je ne sais pas combien de temps je vais devoir rester enfermé ici, autant qu'il en faudra pour que les choses dehors se calment. J'appuie sur l'interrupteur et une faible lumière électrique éclaire la pièce du révérend. Je referme la porte derrière moi, je serai ainsi plus rassurée. Je me recroqueville misérablement dans un coin sombre de la pièce, frissonnant de froid et de peur. Le sol est dur et glacé, mais je finis par trouver une position presque confortable. Je suis harassée de fatigue et mes paupières sont lourdes. Comment dormir après avoir perdu un proche et toute sa famille? Ces derniers temps, les nuits étaient longues pour moi, ne trouvant plus le sommeil et restant constamment sur mes gardes. J'avais développé une forme de paranoïa, n'osant aller plus loin qu'au coin de ma rue. Le traumatisme perpétuel que je vivais m'a fait comprendre combien l'humanité ne tient qu'à un fil. Nous nous croyons puissants, nous étions si faibles. La nature doit sûrement nous punir pour ce que nous lui avons fait. Des décennies de guerre, de pollution et de destruction ont eu raison de sa patience. C'est en tout cas ce que je pense. Le grésillement de l'ampoule au plafond m'extirpe de mes pensées. La lumière clignote faiblement pour s'éteindre, me laissant seul, dans un noir le plus total. Voilà que la lumière est coupée. Les choses doivent vraiment s'empirer à l'extérieur. Je n'ose même pas imaginer le carnage auquel j'ai échappé. Je me replie instinctivement davantage sur moi-même, bien que je pense être en sécurité. Je me laisse quand même aller à penser que Clifton pourrait être bombardé. Voilà que mon ventre se met à gémir. Je me rends compte que je suis affamée. Je n'ai rien mangé depuis ce matin, quand maman est rentrée ses vêtements trempés de sang. Je suis pris d'une torpeur, et je ne sens plus rien. Comme si mon esprit vagabonde hors de mon corps. Délirant à moitié, je vois ma famille me faire signe au fond de la pièce. Je pense à mon ancienne vie. Les flashs de souvenirs passent devant mes yeux. Des bribes de mots dans mes oreilles. Les visions s'estompent petit à petit. Et je suis à nouveau seul, dans un noir le plus total. Je sèche du revers de la manche une larme qui perle sur ma joue. Il faut que je sois courageux. Mais au fond de moi, je sais que mon cœur restera éternellement triste et profondément choqué. Ma tête bascule imperceptiblement en avant. Et après avoir somnolé durant quelques temps, je ne tarde pas à m'endormir, murmurant d'une toute petite voix. Je suis vivant.